Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Il y a quelques semaines, on a parlé avec Joan Boscombe, une ancienne résidente de Saint-Augustin qui fait quand même très, très bien sur la scène nationale et internationale également du domaine des rodéos. Là, on a une autre cavalière. C'est le nouvel hebdo qui nous apprenait il y a quelques semaines que Caroline Brodeur est une jeune femme de Dolbo Mistassini qui se distingue également dans le domaine des chevaux, des compétitions de course de Barry, entre autres. Question de savoir un peu comment ça va dans son cas à elle, quelle saison qu'elle a connue. On va faire un peu la même entrevue qu'on a faite avec John. On lui parle. Salut, Caroline. Salut. Ça va bien, Caroline? Oui, ça va très bien. OK. Parle-moi un peu de ta compétition ou encore de ta passion pour les chevaux. À quel âge ça a commencé et de où est-ce que ça vient, ça? Dans le fond, quand j'étais jeune, j'avais une tante qui avait des chevaux. Okay. Elle restait à Chipcha. Puis okay. On allait là tous les deux semaines. Moi et mes parents, on allait lui rendre visite. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai pogné la piqûre. Là. Elle me faisait faire des tours souvent. Puis j'ai toujours été attirée par les chevaux depuis que je suis tout jeune. Là. OK. Mais Caroline, dis-moi aussi, est-ce que de participer à des compétitions également, ça a commencé quand, ça? Ouais, ben, en fait, j'allais au rodéo à Dolbo, au Festival Western. Okay. À Dolbo, puis je me disais tout le temps, un jour, c'est sûr que ça va être à mon tour, c'est sûr que moi, c'est ça que je veux faire, parce que c'était pas juste d'avoir un cheval, c'était vraiment de faire de la compétition dans les paris. C'était okay. Vraiment ça, mon objectif. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ça fait-tu longtemps que tu pratiques ce sport? Ben, ça fait 5 ans que je suis vraiment là, que j'ai des chevaux à moi, puis que je suis vraiment là-dessus 7 jours sur 7. Et j'ai commencé avec une petite pouliche de 5 ans qui connaissait okay. pas grand-chose. Puis j'ai connu John, puis John elle m'a dit, si tu veux vraiment commencer dans les paris, il te faut un vieux bon cheval qui fait sa job, parce qu'un vieux cheval va apprendre à un cavalier qui commence. Okay. Fait que j'ai décidé de la vendre, puis je me suis acheté un vieux cheval, Jack, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des compétitions. OK. Puis là, dans l'article qui a passé il y a quelques semaines, on parlait de courses de Barry. Pourquoi les courses de oui. Barry? Est-ce que c'est parce que c'est une compétition facile? C'est quoi? Pourquoi tu as choisi cette domaine de course-là? Ben, en fait, je sais pas, c'est ça qui m'a attirée, parce que c'est sûr que tu peux faire des tours aussi, tu peux faire plein d'autres choses, mais c'est ça qui m'a comme attirée, puis c'est comme dans les rodéos, c'est la course de Barry, c'est pour les dames, fait que tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle discipline, puis c'est quand même, ça a l'air facile de tourner 3 tonneaux, là, mais c'est pas juste de faire ça, c'est quand même beaucoup de technique, beaucoup de temps. Okay. C'est beaucoup de précision pour aller chercher de la vitesse, aller chercher des bons chronomètres. OK. Est-ce que ça demande... C'est toujours des défis. Est-ce que ça demande d'être en forme physiquement? Ah, ben c'est sûr. Ben, en fait, je suis pas assez. OK. Ben oui, il faut. Tu sais, le cheval est en forme, mais nous aussi, il faut l'être. Il faut être... OK. Oui, c'est sûr qu'il faut être en forme, mais... Tu sais, on demande au cheval de s'asseoir en arrivant au baril. Il faut s'asseoir, puis il faut se relever avec lui. Fait que c'est quand même difficile là, de faire ça à haute vitesse. Fait que oui, il faut vraiment être en forme. Oui. OK. Est-ce que, dis-moi maintenant, est-ce que c'est un circuit... parce que dans l'article, on dit que tu pars à toutes les fins de semaine. Est-ce que c'est un circuit, il y a des compétitions à toutes les fins de semaine d'été? Oui, en fait, là, on pourrait faire 2-3 places par fin de semaine si on voudrait tenir ah, oui? en là. Okay. Ici, au Lac-Saint-Jean, oui, on a un club de Barry, le CBLSC. Ça, c'est vraiment des associations régionales que tu peux courir. Tu accumules des points, puis tu peux gagner des trophées, des bocals à la fin de la saison. Mais moi, je vise plus haut. Je vise plus les rodéos, là, maintenant, vu que j'ai le cheval qui peut m'amener là. OK. Est-ce que, mais justement, si on parlait un petit peu, donc, il y a différentes formules de compétition de course de chevaux. Il y a le Gymkhana, il y a le rodéo également. Toi, c'est le rodéo vraiment que tu veux y aller, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Vu que j'ai un cheval qui peut gagner des rodéos, qui peut performer dans ces disciplines-là, oui, c'est sûr que je vais viser plus haut parce que c'est ça, c'est tous nos rêves de pouvoir faire Saint-Tite, là, de okay. pouvoir courir dans les rodéos de Saint-Tite. Pour aller à Saint-Tite, il faut faire des rodéos. Faisant des rodéos. Oui. As-tu connu une bonne année? Oui, parce que en fait, ça fait pas longtemps que j'ai cette petite jument-là. Je l'ai depuis l'automne passé. Okay. C'est ma première été là, complète avec elle, puis on fait vraiment, vraiment une bonne équipe ensemble. OK, ben c'est justement. Si maintenant, donc, t'as manqué Saint-Tite par peu, je pensais, cette année, hein? Oui. En fait, si j'aurais pas fait tomber de Barry, j'aurais été dans les 40 meilleurs temps pour faire les rodéos du soir. OK. Et, donc, c'était notre première fois toutes les deux. Ben oui. C'était vraiment un gros stress, puis on est vraiment fiers de ce qu'on a fait quand même. Vous parlez. Tu parles comme si c'était ton ami, tu parles comme si c'était ton grand ami, puis ainsi de suite, mais comment ça prend temps pour une cavalière d'installer une chimie avec son cheval? Ça t'a pris combien de temps, à peu près? Ça dépend toujours. Il y a des teams qui vont fitter. Ça va être plus long que d'autres, mais moi, puis ma jument, ça a vraiment cliqué tout de suite. Okay. Puis je te dirais, là, qu'en dedans de 2 mois, là, on était déjà bien reliés ensemble. Puis c'est ça qui fait que ça marche bien aujourd'hui, là, parce qu'on est vraiment une bonne équipe, là. La jument me fait confiance, j'y fais confiance, fait que ça marche. Ça bien. Peut-tu arriver qu'il n'y a pas de chimie du tout, puis ça colle pas du tout, dans le monde des cavalières? Oui, OK. Ah. Oui. OK. Si, mais donc là, ton objectif, c'est de faire des rodéos l'an prochain. Là, on est rendu l'hiver. Donc là, j'imagine que on arrête tout ça. Là. Qu'est-ce qui se passe l'hiver dans ton cas? Oui, dans le fond, on donne un petit congé aux chevaux parce que c'est le mérite. Là, c'est quand même comme des athlètes. Mais moi, cet hiver, j'ai d'autres projets. Là, faire de la randonnée, faire de l'attelage, tout. Pour la dégasser surtout, mais on arrête vraiment la grosse entraînement qu'on fait l'été. Là, on les en demande moins. Okay. Et on les dégasse quand même. Je vais quand même à tous les jours, là, même l'hiver. Là. Fait que, okay. Tu sais, juste la brosser ou bien aller la marcher. T'as parlé d'entraînement. Est-ce que ça demande... Comment ça prend d'heures d'entraînement à l'été? Avec ta jument? Ben, je te dirais qu'il faut au moins entraîner, laisser un congé par semaine. Ça fait 6 jours semaine qu'on va entraîner. Puis, une heure par jour, quoi? Entre une demi-heure et une heure par jour, dépendant de ce qu'on fait, là. Mais oui, puis il faut être assez assidu, là. Tu peux pas dire une semaine, non, je n'irai pas entraîner, là. C'est vraiment. OK. C'est assez là. Ouais. OK. Dans l'article, on dit que tu pars à toutes les fins de semaine à Québec. Et un peu partout à l'extérieur. Donc, est-ce que tu trouves ça prenant? As-tu des fins de semaine de congé? Pas vraiment. Comme cet été, j'ai fait une quinzaine de places. Fait que, okay. J'ai eu quelques fins de semaine, mais c'est ça que j'aime. Là. J'aime ça, arriver le dimanche, puis me dire que le jeudi ou vendredi, je repars la fin de semaine d'après. On dirait que... C'est ça qu'on aime. C'est parce que tu es bien organisé. Tu as une remorque qui est avec toi. Tu as un pick-up, un camion, tu te promènes un peu partout. Donc, c'est toute une. Excuse-moi l'expression, mais en anglicisme, une régine qui est derrière toi. Oui. C'est ça. Moi, on commence tout par avoir un petit trailer à bomber. Ouais. Puis on grossit tranquillement. Puis là, je suis rendue avec tout mon équipement. Fait que c'est sûr que c'est pour ça. Que j'ai acheté ça pour pouvoir être indépendante puis profiter des places que je vais aller. Ton chum, comment il voit ça, lui, là-dedans? Parce que, écoute, là, voir sa blonde partir toute la fin de semaine, toutes les fins de semaine, comment est-ce qu'il te respecte là-dedans? Non, oui. J'ai le meilleur chum au monde là-dessus, là. Il me laisse vivre. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il aime ça, lui? Là? Ben oui, il aime ça. Okay. Il aime ça. Il aime les chevaux. Il aime me voir aller. Mais ce serait pas moi qui irait là-dedans. Mais il adore ça, me voir courir. Puis il est super fier de moi. Puis il m'encourage tout le temps. Mm. Moi, je dis que c'est mon principal. Comme ben oui. Il est super fin. Puis il m'appuie vraiment, jamais qu'il contredit ce que je vais faire. Parce que ça prend quand même beaucoup de compréhension, là, parce que c'est pas tous les conjoints qui, je pense, qui laisseraient aller sa blonde toutes les fins de semaine. Ça, faut être conscient de ça aussi. Non. Caroline, en terminant, t'es une grande amie de John Boscombe, et après l'entrevue qu'on a faite il y a quelques semaines, John, il est arrivé avec quand même un drame, là. Tu as parlé tantôt de ton cheval, tu l'aimais, puis vous faites vraiment une équipe ensemble. Mais John a perdu, je pense, sa jument quelques semaines après, cheval. Comment qu'elle s'en remet? Parce que là, c'était vraiment une catastrophe pour elle. Puis c'est arrivé de façon bête. Hein? Raconte un peu ce qui s'est passé. Ouais, ben, je vais juste vous dire. En gros, là, le cheval, il a eu un petit accident. Ils ont tout fait pour le sauver, mais c'est qu'il n'y avait même pas une belle qualité de vie au chat. Fait que a pris la bonne décision de le laisser partir. Mais c'est vraiment un accident. C'est triste, là. On est tous bouleversés parce que ce cheval-là, c'était la légende, là. C'était le cheval. Okay. Tout le monde le connaissait, ce cheval-là. Puis je pense qu'il s'est enfui de son abri, je pensais. C'est ça qui est arrivé, hein, puis il s'est fait frapper. C'est ça qui est... OK. C'est ça. OK, Joe me le compte un peu. Ben, Caroline, très, très intéressant. On va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre l'été prochain. C'est un monde ben, particulier, puis c'est bien fun de découvrir ça. Merci beaucoup. Voilà, Caroline Brodeur de Dobbo-Mississigny qui court à toutes les fins de semaine dans le domaine des rodéos également, du Gymkhana.